19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Qu'est-ce que 20 ans pour les archéologues, si ce n'est une goutte d'eau dans la profondeur du temps? Et pourtant, depuis 20 ans, l'archéologie française vit un étonnant bouleversement, faisant de notre territoire national un gigantesque laboratoire de la France, un site archéologique. Veste orange ou t-shirt blanc, truelle à la main, souvent dans le vrombissement des pelles mécaniques, ils scrutent, creusent, explorent notre sol pour mieux dégager, exhumer, révéler des pans entiers d'un passé encore inconnu, pour mieux donner la parole aux muets de l'histoire, nous disent-ils. Ce sont eux qui font surtout l'actualité. Pour preuve, ils fouillent aujourd'hui au cœur de Notre-Dame de Paris quelques mystérieux sarcophages en plomb ou une statuaire dont les seuls témoins jusqu'à présent connus sont tout simplement au Louvre. 2000 archéologues fédérés au sein d'un grand institut national, le plus puissant d'Europe et au monde, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Pour traiter de l'actualité de notre passé, évoquer entre science et patrimoine 20 ans passés comme 20 ans d'avenir, Dominique Garcia, bonsoir. Bonsoir Vincent. Professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France, président de l'INRAP, vous êtes surtout un habitué du magazine d'archéologie de France Culture. Dominique Garcia, vous l'avez vu ce mystérieux sarcophage ? Oui, j'ai pu cette semaine visiter la fouille que dirige avec beaucoup de rigueur Christophe Beignet de l'INRAP. Elle est située à la croisée du transept, à l'emplacement du futur échafaudage de 100 mètres de haut et de 700 tonnes qui permettra la reconstruction de la voûte effondrée. Effectivement, découvrir une sépulture dans le sol d'un édifice religieux est un événement important. On pouvait de toute façon s'attendre à ce qu'il y ait des tombes sous les dallages de cette grande cathédrale. Alors effectivement, découvrir des sépultures dans un édifice religieux est quelque chose qui est attendu. Mais on sait d'ailleurs que plusieurs centaines de défunts ont été inhumés à Notre-Dame. Viollet-le-Duc lui-même, lors de ses travaux du 19e siècle, avait repéré des sépultures, mais elles dataient essentiellement du 18e siècle. Celle-ci, celle dont on a beaucoup parlé cette semaine, est recouverte par un remblai du 14e siècle, mise au jour dans un endroit privilégié. Elle est donc la plus ancienne connue et pourrait être bien conservée. Et vous pensez, on pense à qui dedans ? Alors probablement un homme d'église de haut rang, en tout cas une des premières personnes inhumées dans la cathédrale gothique. Rentrer dans Notre-Dame est aujourd'hui quasi impossible, si ce n'est impossible. Grâce à Radio France et Anne Chepeau de France Info, nous avons tout de même réussi à avoir quelques secondes de Christophe Beignet, archéologue de votre institut. On l'écoute. Quand on a fini de le dégager, on a remarqué qu'il y avait des perforations anciennes, trois, au niveau de la tête, et du coup on a pu faire passer une caméra endoscopique à l'intérieur qui a permis d'identifier des restes de tissus, des restes de matière organique comme des cheveux et des restes de végétaux, notamment au niveau de la tête. Le fait que ces restes végétaux soient encore là présage d'une excellente qualité de conservation du défunt comme de ses habits et éventuellement des objets qui lui sont associés. Dominique Garcia, ça piochonne autour, on entend le son des piochons tapant sur le... L'équipe est au travail. L'équipe est au travail. Nous voici devant une découverte en devenir, l'étude avec sa cohorte de discipline. Oui, effectivement, cette fouille est un élément important parce que pendant longtemps, l'humain a paradoxalement été tenu à l'écart des questionnements de l'archéologie. Seules ses productions matérielles ou idéelles retenaient l'attention des chercheurs. Dans les décennies très proches, les années 1980-1990, puis avec le développement de l'archéologie préventive, un renouveau de l'archéologie funéraire, jusqu'alors centrée sur l'architecture des tombes et des dépôts d'objets, a permis le développement de l'archéothanatologie. C'est la première attestation et de 1998. Donc en fin de compte, on voit qu'il y a très peu de temps qu'on s'intéresse aux morts comme objet archéologique, et où on arrive effectivement à développer des études anthropobiologiques, voire sociologiques. Quel est le devenir de cette sépulture ? Bien sûr, on a regardé avec une petite caméra endoscopique. On va, j'imagine, enlever ce sarcophage pour l'installer quelque part et bien sûr le fouiller. Alors oui, le premier élément, c'est ce qui se passe actuellement et qui est important. C'est d'abord analyser le contexte. C'est pas le sarcophage en tant que tel, c'est pas le mystère qu'il contiendrait, mais bien l'analyse du contexte, de la stratigraphie, ce qu'actuellement font les collègues sur le terrain. Ensuite, le sarcophage sera déposé et va commencer une nouvelle fouille, celle de la structure, le sarcophage, et également de son contenu. Un petit peu à l'image, on le souhaiterait, de la fouille réalisée pour Louise de Quingo il y a quelques années par l'INRAP, à partir des fouilles réalisées à Rennes, où on a pu donc dégager minutieusement cette momie du XVIIe siècle et l'analyser dans tous les points de vue. Les scanners, les isotopes, tout ce genre de matériaux sont utilisables ? Alors sont utilisables et puis surtout réunir les spécialistes autour de la sépulture et en tirer le meilleur. Voilà, je citais Louise de Quingo tout à l'heure, vient de paraître aux presses universités de Rennes sous la direction de Rosane Colter, Daniel Pichot et Eric Rubesi, la synthèse de cette fouille et on s'aperçoit qu'au-delà de la sépulture, au-delà du défunt, c'est la société bretonne du XVIIe siècle qui est analysée dans tous ses points de vue grâce à une fouille comme ça, multiple, et l'approche de différents spécialistes. Dominique Garcia, ce sarcophage au cœur de Notre-Dame n'a rien de mystérieux. De fait, il est juste en devenir. Exactement. C'est une opération pour nous. C'est une deuxième fouille qui va pouvoir démarrer et on va avoir des résultats. Le mystère, non, tant mieux. C'est un petit clin d'œil qui a été relayé par la presse cette semaine. C'est une sépulture. Elle sera fouillée en tant que telle avec tout le respect que l'on doit à des restes humains, mais justement en essayant d'en tirer aussi le maximum d'informations d'un point de vue scientifique. 6 mois, 1 an d'attente pour revoir un peu, avoir des résultats? À mon avis, bien avant. Là, on est en train d'organiser les choses pour que dans les semaines qui viennent, on ait déjà les premières informations. Dominique Garcia, la très grande découverte n'est pas là. Elle est dans une série de blocs de pierre du lapidaire daté du XIIIe siècle. Alors effectivement, la cathédrale gothique, comme la quasi-totalité des édifices de cette période-là, était dotée d'un jubé, donc une barrière surmontée d'une galerie qui séparait le cœur de la nef. On connaît encore des jubés en élévation dans la cathédrale de Troyes, dans la cathédrale Sainte-Cécile, Albi, dans quelques églises bretonnes, mais la plupart de ces édifices, de ces constructions, ont été abattus suite à un changement de liturgie. C'est le cas du jubé de Notre-Dame de Paris, qui a été détruit au XVIIIe siècle et dont on n'a aucune image en élévation. Seuls quelques fragments, vous le pointiez tout à l'heure dans votre chapeau, avaient été récupérés par Viollet-le-Duc et sont aujourd'hui présentés au musée du Louvre. Là, aujourd'hui, on retrouve sur le sol de nombreux fragments de ce jubé, ce qui permettra sans doute de faire une restitution soit réelle, soit grâce à des moyens numériques. Et les pièces sont superbes pour les avoir vues bien conservées, fraîches, avec des traces de polychromie. Donc on a là un élément d'histoire de l'art extrêmement important, révélé par l'archéologie en 2022. En fait, le jubé, c'est ce qui sépare les religieux des fidèles, d'après ce que j'ai pu voir. Et visiblement, on a de la très très belle statuaire, des têtes, des mains, des représentations architecturales. Oui, il y a une scène complète. On a effectivement des représentations architecturales, des végétaux, des personnages effectivement bibliques. On a là un ensemble, un jubé. Alors, la qualité est à la hauteur de Notre-Dame de Paris et on en avait pour le moment quelques fragments. Là, on aura quasiment la totalité. Notre-Dame de Paris, c'est bien entendu un chantier hors norme, avec une loi d'exception. La mise en place de normes de sécurité à laquelle vos archéologues n'échappent pas. Alors bien entendu, le plomb, c'est ça. Alors le plomb, mais également aussi l'édifice qui a par définition souffert de l'incendie du 15 et du 16 avril 2019. Cette loi, vous le rappelez, a été votée dès le mois de juillet 2019. C'est une loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et vu qu'on évoque là les 20 ans de la loi sur l'archéologie préventive et les 20 ans de l'INRAP, il est à pointer que dans cette loi est introduit un article qui évoque l'archéologie préventive et qui désigne l'INRAP comme l'opérateur unique pour intervenir, pour réaliser ces fouilles préventives. Donc on voit comment l'archéologie aujourd'hui, même sur un monument aussi important, dans un moment d'émotion, d'un point de vue effectivement du législateur, dans sa grande sagesse, a introduit un article pour l'archéologie préventive et pour l'Institut, pour se garantir justement que les éléments de sécurité, mais surtout l'expertise scientifique, soient menés au plus haut niveau, grâce à nos chercheurs et les collaborations avec l'université, le CNRS et le ministère de la Culture qui aujourd'hui agit au quotidien pour que cette fouille soit une fouille de haut niveau. Quoi qu'il en soit, fallait-il fouiller ces 130 mètres carrés jusqu'au fond ? Non, la notion de fond n'existe pas. Vous le signaliez également en introduction. Aujourd'hui, on sait que c'est toute la France qui est devenue un site archéologique et donc on pourrait fouiller partout, de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine, ça n'aurait pas de sens. À Notre-Dame de Paris, le prescripteur, le ministère de la Culture, prescrit des opérations archéologiques dans les endroits où les vestiges peuvent être endommagés. Sans chercher à perdre du temps, sans chercher à fouiller dans le vide, juste on pose des questions. C'est là aussi où on voit que notre discipline aujourd'hui est devenue adulte. Le prescripteur pose les questions en fonction de ce qui peut être détruit. L'archéologue essaie de répondre aux questions dans les temps avec les moyens qu'il faut. Donc fouiller partout et fouiller jusqu'au fond n'aurait pas de sens. On répond aux questions, on enrichit le dossier. Et là, aujourd'hui, les archéologues auront fait le maximum par rapport aux espaces dans lesquels le patrimoine était en danger. Et on laisse peut-être aussi des vestiges pour les générations à venir. Oui, on fouille tout ce qui aurait pu être endommagé. Et effectivement, on concentre notre énergie ici comme ailleurs sur les endroits où les vestiges peuvent être endommagés et où les vestiges qui peuvent être fouillés répondent à des questions scientifiques. Et bien entendu, les autres endroits sont laissés pour les générations futures ou tout simplement ne sont pas exploités. À lire Le Monde et Nathaniel Herzberg, architecte des Monuments de France, établissement public, ministère de la Culture semble somme toute avoir des ambitions divergentes autour de cette fouille archéologique. Il s'agit d'une affaire de temps. Les archéologues savent bien sûr ce que c'est que ce temps, puisque c'est toujours un peu la course. Je dirais pas divergent. Je dirais que chacun présente ses objectifs. Et ensuite, c'est là l'art de l'archéologie préventive, et c'est même écrit dans la loi, elle cherche à concilier l'aménagement du territoire, la préservation du patrimoine et la recherche scientifique. Et donc aujourd'hui, sur ce chantier, effectivement, il y a un maître d'ouvrage qui doit terminer la restauration en temps et heure. Il y a un maître d'œuvre qui met ses éléments en œuvre. Il y a effectivement le ministère de la Culture qui prescrit notamment des fouilles archéologiques. Et il y a nous qui intervenons. Et donc, en fin de compte, on essaie de dessiner un cercle vertueux qui permettent d'enrichir la connaissance, qui permettent d'enrichir le dossier, mais également qui permet au dossier de restauration, parce qu'il est là à l'origine, et c'est pour cela que nous sommes là, au projet de restauration, de se mettre en œuvre. Justement, Dominique Garcia, 20 ans d'archéologie préventive, ce n'est plus de courir derrière bien sûr les destructions liées à l'aménagement du territoire, mais tenter de courir devant. Alors courir devant, ou du moins se poser. On réfléchit, on analyse, on voit aujourd'hui, voilà, 20 ans d'archéologie, c'est 50 000 sites qui ont été pointés sur la carte de France. On voit les zones que l'on connaît bien, on voit les zones où on souhaiterait travailler, on connaît les périodes où les dossiers sont bien avancés, on voit les périodes sur lesquelles on doit encore travailler. Donc aujourd'hui, il y a les deux. Il y a à la fois les 2000 collègues et d'autres qui interviennent sur le terrain pour sauver le patrimoine par l'étude, et puis ensuite, en même temps, une réflexion qui court, une programmation nationale, l'expertise des services de l'État en région, qui permet de poser les bonnes questions. Donc agir plutôt que de courir, et réfléchir plutôt qu'effectivement affronter la destruction. La fouille préventive n'est pas sans rappeler l'action de la police, bien sûr. On connaît aussi la médecine préventive, mais pour autant, le mot préventif est-il bien approprié pour l'archéologie ? C'est une vraie question, le sens de ce mot inscrit dans la loi et porté dans le nom de notre institut, et c'est pas à moi, j'ai pas l'ambition de le changer, n'est pas compris immédiatement par la population, même parfois par les élus ou par les aménageurs. Cette notion de préventif est un peu gênant. Il convient donc chaque fois de rappeler nos missions, le repérage, l'expertise, la fouille, la recherche, la valorisation, et peut-être aussi, avec le temps, il faudra savoir les faire évoluer, ces missions, les adapter à l'aménagement d'aujourd'hui, qui n'est pas celui d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, aux méthodes d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles d'il y a 20 ans, aux questionnements, aux objets d'études. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dominique Garcia, les premières années de votre institut ont été très chaotiques. 2002, 2003, 2004 sont des années terribles face aux aménageurs, aux élus, de tous bords. Une véritable saga en soi. La loi, on connaît tous sa genèse. J'étais archéologue préventif et j'ai à l'époque à la fin et j'ai connu ce moment où effectivement on courait derrière les pelles mécaniques, où on sauvait le patrimoine grâce à l'action de politiques, d'experts, d'universitaires dont Jean-Paul Deboulle. On a pu mettre en place cette loi créée en 2001 et ensuite la loi existant, l'institut étant créé en 2002, il a fallu mettre tout ça en cohérence, former les gens, recruter, mettre en place des méthodes, comme je le disais il y a quelques minutes, s'adapter aux aménagements. On construisait à l'époque des autoroutes, des TGV. Ensuite, ça a été l'exploitation des lotissements. Aujourd'hui, ça serait les zones logistiques ou les emplacements des éoliennes, par exemple. Donc, effectivement, il a fallu construire. Les premières années ont été difficiles. On peut regarder aussi par l'autre côté, se rendre compte qu'aujourd'hui, 2021, l'INRAP a accompli plus de 2300 opérations, un chiffre record d'interventions grâce à l'investissement des agents au quotidien sur le terrain. Et tous les chantiers ont été commencés à l'heure, tous les chantiers ont été terminés à l'heure. Au mois de juillet, nous avons eu l'honneur de la part du ministère de la Recherche d'acquérir le titre d'institut de recherche, sans S en tant que tel. Et on voit dans nos publications, dans la valorisation, des résultats de bon niveau. Donc il a fallu démarrer, il a fallu s'adapter, et aujourd'hui les résultats sont là. Justement, les S de votre institut archéologique préventif avec des S, est-ce que ce n'était pas un peu honteux? Ce n'était pas reconnaître l'établissement comme un véritable établissement scientifique dès le départ? Il y a deux aspects. Un, ne pas reconnaître l'institut comme institut de recherche n'était pas une bonne chose, et donc aujourd'hui il l'est, tant mieux. Et en revanche, afficher fièrement les S à recherche archéologique, c'est afficher l'investissement des chercheurs sur le terrain, et l'archéologie, c'est avant tout le terrain, donc je crois que c'est aussi quelque chose d'important, et il faudra les conserver pour montrer que nous sommes là sur tous les territoires pour préserver le patrimoine par l'étude et le partager. Christian Dugoudineau, professeur au Collège de France, écrivait « L'INRAP a été créé par beaucoup d'affranchis et quelques hommes libres, mais il rappelait surtout que des fées peu aguichantes s'étaient penchées sur son berceau. Qui sont ces fées pour vous ?» Il est évident qu'il y a eu un moment donné des tiraillements entre les aménageurs dans les Trente Glorieuses et puis les amateurs du patrimoine, qui étaient pas forcément d'ailleurs des archéologues du préventif ou autre. On a tous en tête les fouilles de la Bourse à Marseille où Gaston Defer s'était posé à Malraux. Il y avait Gaston Defer qui voulait rénover sa ville, la rendre moderne. Et puis ensuite, il y avait des amateurs locaux, des notables, des associations qui voulaient sauver ces vestiges archéologiques. Et puis Malraux a tranché, a eu lieu la fouille de la Bourse, extrêmement difficile, un peu comme la fouille du Louvre à Paris, ou le Verbe incarné à Lyon, et ensuite des gens qui ont été formés. Et il a fallu faire la démonstration qu'on était capable d'intervenir sans freiner la politique d'aménagement du territoire. Vous dites que votre institution a bouleversé les savoirs sur les différentes époques. Pourriez-vous illustrer donc ce bouleversement au travers de quelques découvertes ? C'est sortir des espaces clos. Il y a 30 ans, 40 ans, analyser la préhistoire ancienne, par exemple, c'était aller voir les grottes, les figurations, quelques sépultures. Là, pour le paléolithique, les sites ouverts, les sites de plein air ont été révélés par l'archéologie préventive et ont permis en fin de compte de cadrer et de dresser un paysage de ces populations anciennes. Pour le néolithique, le paléo-environnement était peu connu. On connaissait la culture matérielle, quelques habitats, mais en revanche, connaître l'économie de ces populations était quelque chose qui était peu abordé de façon concrète. Aujourd'hui, l'INRAP a pu coproduire une exposition sur néolithique et anthropocène au musée des Confluences qui a attiré plus de 350 000 personnes. Et ça, c'est voilà, parler d'économie, parler d'environnement pour le néolithique, c'est un des acquis parmi d'autres de l'archéologie préventive. Pour l'âge du bronze, on avait les belles collections avec le métal qui passionne toujours. Mais grâce à l'archéologie préventive, on a de l'habitat, on a des sépultures, on a les champs, les clôtures. Je pense aux travaux de mon collègue Cyril Marcini dans l'ouest de la France. On analyse les échanges. Donc voilà, c'est un espace. On a fait de ces archives du sol des documents historiques et on les analyse de manière large. On pourrait parler des Gaulois, on pourrait parler de l'Antiquité et du Moyen-Âge. On a redessiné un espace et en fin de compte, on a élargi notre laboratoire. L'archéologue sortait de son bureau, de sa salle d'études, de sa tour d'ivoire, pour aller traditionnellement sur son chantier, les fouilles programmées. On continue à le faire et les fouilles programmées sont essentielles. Mais tout autour, en fin de compte, les vestiges ont nourri la réflexion. 20 ans de fouilles, c'est surtout l'ouverture de l'archéologie au plus grand nombre, l'élimination des palissades derrière lesquelles les archéologues se cachaient auparavant. Vous avez tenté de vous rapprocher du public, de nos concitoyens ? Alors c'est une évidence. Cette archéologie préventive, elle a deux actions qui me paraissent extrêmement fortes. C'est d'être partout présent sur le territoire. Il y a des endroits en France où il n'y a pas de cinéma, où il n'y a pas de théâtre, où il n'y a pas de bibliothèque. Il y a partout en France des ronds-points. Et ces ronds-points, potentiellement, ont pu être des sites archéologiques. Et donc, on a vu des chercheurs venir sur ces terrains, révéler des vestiges aux gens qui y habitent, qui occupent cet espace, et partager la connaissance. Alors, au moment de la fouille, mais également lors de portes ouvertes, lors de conférences, lors d'expositions. Et donc, l'archéologie préventive, c'est une archéologie sur les territoires dont les acquis, la connaissance, est partagée avec le plus grand nombre. Et plus largement aussi, cet espace-là est aussi une archéologie ultramarine. On intervient à La Réunion, on intervient dans les Antilles, à la Guyane. Donc c'est des analyses d'autres territoires en lien et d'autres histoires. Avec de notre histoire, effectivement, sous tous ses aspects, avec parfois des pages sombres, et puis aussi qui permet le développement de relations internationales. Aujourd'hui, quand on travaille dans l'Est de la France, on a forcément un dialogue avec nos collègues belges, allemands, suisses, néerlandais. Quand on travaille en Bretagne, bien entendu, ou en Normandie, on réfléchit et on travaille avec nos collègues britanniques. Et quand on travaille avec les Antilles, on travaille aussi avec les pays avoisinants. Donc c'est à la fois une archéologie de terroir au plus près, mais une archéologie qui ouvre sur ces espaces et qui a fait aussi de cet espace un sujet d'étude. Il y a encore 30 ans ou 40 ans, faire de l'archéologie, c'était intéresser essentiellement à Rome, à la Grèce, à l'Égypte, aux Incas. Là, aujourd'hui, savoir que notre territoire avait une propre histoire, on le savait, le révéler au quotidien est par contre un élément neuf que aujourd'hui on essaie de pratiquer. Autre champ de votre discipline, vous tentez d'œuvrer sur de grands monuments emblématiques, le Mont Saint-Michel ou le Théâtre de Nîmes, comme de contribuer à enrichir, bien sûr, le patrimoine et les musées. C'est là aussi cette archéologie, voilà, je parlais tout à l'heure de cercle vertueux. On fouille donc sur les autoroutes, on fouille dans les ronds-points, les zones logistiques, mais il faut pas oublier aussi les grands monuments, parce qu'aucun monument est éternel et leur histoire mérite d'être connue. Aujourd'hui, effectivement, mes collègues qui travaillent sur l'amphithéâtre de Nîmes arrive à pointer des phases anciennes du ce lieu de spectacle, donc d'en connaître aussi la genèse. Et ce n'est pas un bâtiment figé, il a sa propre histoire et mérite d'être connu. Vous citez le Mont-Saint-Michel qui fait l'objet d'observations fines et régulières. Et donc, en fin de compte, y compris ces éléments patrimoniaux qui marquent le paysage aujourd'hui, l'archéologie et les méthodes de l'archéologie préventive permet à la fois d'en savoir plus, mais aussi de les connecter aux autres informations. Fouiller dans la plaine autour de Gergovie, c'est aussi avoir intérêt à fouiller à Gergovie pour connecter les raisonnements et connecter la documentation entre le territoire, aujourd'hui mieux connu, et ces sites emblématiques qui aujourd'hui occupent l'espace. Et puis pour les musées, je pense bien sûr à Trémouzon, les fameuses sculptures gauloises celtiques trouvées en Bretagne, qui vont atterrir dans un musée. Aujourd'hui même, présentées au son de l'harpe d'Alan Stivell, les découvertes de Trémouzon et de Paul dans le musée des Champs Libres à Rennes. Mais voilà, c'est un exemple d'aujourd'hui même, mais on pourrait citer aussi les mosaïques présentées à Nîmes, les découvertes de Dijon, les statuettes présentées à Amiens. Et donc, c'est un patrimoine national qu'enrichit nos musées. C'est aussi un atout économique, parce qu'on sait aujourd'hui que les musées, bien entendu, sont des structures culturelles et scientifiques, mais également ont des atouts culturels pour les territoires et économiques. En 20 ans, même en 10 ans, l'archéologie a muté. Elle s'est ouverte sur de nouveaux champs, l'archéologie des temps contemporains, par exemple. On fouille un petit peu 14-18. Maintenant, on fouille, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale et on arrive presque à aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui, rien n'interdit aux prescripteurs d'essayer de mettre en place une fouille archéologique, un endroit où les sources classiques, les images, les textes ne disent pas tout. Et donc, on en a fait la démonstration pour les périodes anciennes, bien entendu, mais aujourd'hui, pour la période contemporaine, on peut aussi travailler, on travaille sur des sites de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, mais aussi des sites industriels, des ponts, des routes, voire récemment à La Réunion, sur une voie ferrée. Donc voilà, tout ce qui n'est pas documenté de manière précise par les textes ou les images peut être aussi renseigné par l'archéologie. Peut-on faire de la prospective sur les 20 années à venir, Dominique Garcia ? Alors, la prospective, c'est connaître d'abord les aménagements. On sait que la loi résilience va dans un sens de protection des terres agricoles. Donc, il y aura sans doute moins de construction en bordure de nos villes et de nos villages. On va reconstruire la ville sur la ville. Donc, il faudra là aussi savoir fouiller avec des stratigraphies. Ça va être de la fouille urbaine et en ville. Donc, à la fois la fouille de la ville et la fouille dans la ville. Et donc, là, on a beaucoup à faire. On a aussi à mener en place des fouilles sous-marines. C'est aujourd'hui des objectifs importants par rapport à des champs d'éoliennes, par rapport à des câbles sous-marins, par rapport à des réaménagements littoraux. Donc voilà, partout où il y aura de l'aménagement nouveau, l'archéologue, non pas pour freiner l'aménagement, mais en posant de nouvelles questions, devra être présent. Les 5000 fouilles ont révélé des merveilles, une tombe étrusque en Corse, celle d'un grand prince gaulois à Lavaux, la momie de Louise Quingo à Rennes, on en parlait, les carnix de Tintignac près de Tulle, la liste est bien sûr très longue. Dominique Garcia, que faut-il maintenant trouver ? Un néandertalien, les protestants de la Saint-Barthélemy, la tombe de Clovis ? Alors, pourquoi pas, sans forcément vouloir les chercher à tout prix. En tout cas, l'archéologue devra faire justement ce pas de côté, c'est-à-dire réfléchir, arriver à s'imposer sur tous les chantiers, dans les zones rurales ou au cœur de Notre-Dame, pour poser les bonnes questions et essayer d'y répondre. Dominique Garcia, merci beaucoup et je profite donc de l'occasion pour évoquer le grand livre qui illustre ces 20 ans de votre établissement, La Fabrique de la France, paru chez Flammarion. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valentin Azan et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.